quoi? Oui. Je prends la petite sèche. Autant de colère, je peux pas dire ça. Fontaine de Médicis, au jardin de Luxembourg. Je suis la première fois que j'ai habité à Paris. À la veille de mon départ, de ma rentrée au Brésil, je pleurais à mort parce que je ne voulais pas du tout partir. Parce que j'avais passé la plus belle année de ma vie ici, à Paris. Je pleurais. Et d'un coup, un gars qui passait m'a dit « Pleure pas, tu vas revenir. » Et finalement, il avait raison. Je reviens toujours à Paris. Comme la fin du film Casablanca. « We will always have Paris. » Et c'est vrai. J'adore cette ville. Et aujourd'hui, je pars encore une fois. Mais je reviendrai. Aujourd'hui, je sais que je reviendrai.